Roger Régent et Jacqueline Adler vous prient d'écouter Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, Le Doulos, film de Jean-Pierre Melville avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle de Cilien, Serge Reggiani, Maurice Faugel, Jean de Sailly, le commissaire Klein, René Lefebvre, Gilbert Varnov, Fabienne Dali, Fabienne, Monique Hennessy, Thérèse, Michel Piccoli, Nutecchio. Musique de Paul Misraki, dialogue de Jean-Pierre Melville. Commentaire radiophonique dit par Claude Herval. Collaboration technique René Relo. Les hommes que nous allons fréquenter pendant 40 minutes ne sont pas des enfants de cœur. Ils ne sont même pas recommandables. Ces deux-là, par exemple, que nous trouvons dans une petite maison sordide de la zone, près d'un terrain vague, pelé, sinistre, traversé par les trains des lignes du Nord. L'homme qui habite là, c'est un receleur. Il s'appelle Gilbert Varnov. Celui qui vient lui rendre visite, c'est Maurice Faugel, récemment sorti de prison. Alors c'est pour quand ? Rémi voudrait qu'on fasse ça demain. Il a raison, plus vite ce sera fait. Tu n'en as parlé à personne ? Hein ? Alors tu me prends pour qui ? Même pas à Cilien ? Cilien est un type correct. C'est pas ce qu'on dit à Paris. T'as qu'à demander. Cilien est un ami, il emmerde tout le monde. Bon, je souhaite que tu aies raison. Tu envoies quelqu'un pour reconnaître les lieux ? Oui, Thérèse. Il va faire un tour pour voir si tout le monde est parti. Il travaille comment, Rémi, au chalumeau ? Non, avant tout. Je préfère s'il y a du blindage. On en reparlera demain matin. Va manger quelque chose et couche-toi. Je recevrai du ketchup en bas. Ketchup va venir ici ? Oui, pourquoi ? Tu as quelque chose contre lui ? Non, personnellement, non. Ça m'empêche pas de penser que c'est la pire des ordures. Je comprends même pas qu'il travaille avec lui. Moi et lui, c'est comme toi et Cilien. Pour les ragouts sur Cilien et les relations qu'entretient ton Nutecchio avec les poulets, il y a une mesure. Tu veux que je précise ? Non, pas la peine, tu ferais mieux d'aller manger. Viens avec son ami Armand, ton Nutecchio ? Ouais. Beau tandem. Dans combien de temps ? Non, ils vont plus tarder. Si je dormir chez Thérèse, elle sera contente de me voir. C'est parce que le Nutecchio vient. Je sais ce que c'est, je me mets à ta place. Depuis 6 mois, tu as trouvé trop de choses changées. C'est forcé. Pour toi, la vie ne recommencera que quand tu te seras renfloué et que tu pourras partir avec Thérèse. C'est ça, hein? Si tu te sens pas d'attaque pour faire le coup avec Rémi, laisse tomber. Tu ne seras pas le premier à abandonner après 4 ans de prison. Dès que les receleurs m'auront payé, je te donnerai de quoi aller quelque temps à la campagne. Tu essaieras de nous revenir avec une autre tête. Dis donc. Quoi ? J'aurais besoin de ton revolver. Pour demain. Non, mais ça va pas. Mais si, tu vas comprendre. Je suis plus en état de me colter avec un type, comme autrefois. Plus rien là-dedans. Alors, pour protéger Rémi, si ça tournait mal, j'aurais une balle dans le plafond. Histoire d'intimider les gens. Ça me plaît pas beaucoup de te voir partir avec un flingue. J'ai jamais été partisan. Après tout, t'es pas un gamin, hein? Où il est? Dans le chiffonnier, le tiroir du haut à droite. Si tu vois pas assez clair, allume la lampe. Quoi, décourager un voleur? T'as des cartouches? Dans le fond à droite, il y a 2 clips. Merci, vieux. Ça me dopera un peu. Pas de bille. Prends de l'argent si tu en as besoin. D'accord. Et n'oublie pas ton paquet de cigarettes sur la table. Froidement, Maurice a abattu Varnov. Puis tranquillement, il s'empare des millions du receleur, va les enfouir au pied d'un bec de gaz du terrain vague, un endroit qu'il reconnaîtra entre mille. Puis, rentre tranquillement chez Thérèse, son amie, une fille belle et affranchie qu'il héberge depuis sa sortie de prison. Le lendemain, Cilien, un ami de Maurice Faugel, vient le voir. Thérèse est sortie, Maurice est seul. Quelle heure vient ton gars ? 7 heures. T'es sûr que t'es pas encore en train de faire l'idiot ? C'est pour que j'attende d'être sûr avant de me lancer sur une affaire. J'en ai assez de loger et nourri par Thérèse. Je t'ai dit que j'avais les moyens de te dépanner. T'es le deuxième en 24 heures. Croyez tous que je suis fini. J'ai jamais dit que t'étais fini. Et de toute façon, je te donnerai rien pour rien. Je veux simplement que tu saches que je viens d'acheter une propriété. Et que d'ici peu... Il t'aura besoin d'un régisseur. De toute façon, ça se verra moins, la charité. Bon, non, t'auras du travail, sois tranquille. Je te ferai pas de cadeaux. D'accord. On en reparlera dans 20 ans. Dérange pas. Qui est-ce ? C'est Jean. Pourquoi t'es venu ? Rien. Je suis venu voir comment tu allais. Ça pourrait aller mieux. J'ai mangé des escargots hier soir. Ça m'est resté sur l'estomac. T'aurais pas un remède ? Tu as lu le canard ? Ah oui, j'ai lu ça. Bien défendu, le gars qui a fait ça, hein? Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense à rien du tout. Qui est-ce qui t'a donné l'adresse d'ici? C'est toi qui me l'as donné. Il y a 15 jours, quand je t'ai ramené avec Cilien. Tu peux pas se rappeler. T'es ivre mort quand nous l'avons ramassé au Donald's. Tu ferais bien de te surveiller, question poisson. Tu as tendance, quand t'es sourd, à raconter des choses qui pourraient intéresser les flics. De quoi je vais parler? L'entretien que t'as eu avec Jean à propos de la mort d'Arlette. Ne regarde personne. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Presque rien. Seulement que pendant que Maurice était en prison, Gilbert avait tué sa femme, pour s'assurer qu'elle parlerait pas. C'était d'une prudence bien exagérée. Arlette n'avait rien d'une donneuse. Et lui, il risquait pas de dénoncer ses complices. C'est pas le genre de la maison. Non. Ce Gilbert était une ordure. Il avait voulu qu'on l'aide pour Arlette. Depuis, je n'ai plus jamais adressé la parole. Je sais tout ça. L'autre jour, j'étais à côté dans le living room. Et de là-bas, on entend tout ce qu'on dit ici. Je m'en vais. Attends, on va boire quelque chose. Non, sans façon. Je voulais seulement voir comment tu allais. Jean, cet ami trop curieux, est parti. C'est Thérèse, maintenant, qui rentre chez elle. Tiens, je te présente Cilien, l'ami dont je t'ai parlé. Bonjour. Bonjour, monsieur Cilien. Prépare-moi un sandwich. D'accord. Et dis donc. J'ai mal à l'estomac avec les escargots d'hier soir. Je me sens tout barbouillé. Alors ? J'ai passé toute l'après-midi dans la voiture. J'ai surveillé les alentours sans arrêt. En dehors d'un vieux bonhomme qui n'a pas l'air dangereux, la maison m'a semblé inhabitée, mais le seul ennui, c'est un caniche. Pas gros, mais qui aboie tout le temps. Ensuite ? J'ai fait comme tu m'as dit, j'ai téléphoné pour demander monsieur de l'étang. C'est sûrement lui en question qui m'a répondu que l'écrivain et sa femme étaient à Biarritz. Je crois, moi, que le vieux est un ami à eux qui habite là en attendant qu'ils reviennent. Alors, c'est ça le fameux Cilien ? Oui. Il m'apporte le matériel. Quel matériel ? Pour le coffre. Je ne comprends pas que tu t'adresses à ce type. Tu dis toi-même que personne ne sait ce qu'il a dans le ventre. Et ça t'empêche pas de tout lui raconter. Pourquoi tu n'as pas demandé à Jean ? J'en ai pas à la coule pour se procurer un matériel pareil. C'est pas son rien. Alors, on verra. En tout cas, moi, je considère Cilien comme un ami. Et tant que j'aurai pas la preuve du contraire, ça sera comme ça. Puis je vais m'arranger pour qu'il rencontre pas Rémi tout à l'heure. Comme ça, en coup de pépin, je serai seul à écoper. Tu sais, moi, les amis... Je dois m'en aller. Tu veux acheter un coup d'œil sur la sacoche ? Tu manques de la ventouse, la chignole et les forêts, ça ira. T'as amené plusieurs vis ? 8. Mais ça fait que 2 jeux, ça. Pour percer les trous, il faut compter 2 heures. Si vous cassez le premier jeu, il faudra tout recommencer. Ça fera 4 heures uniquement pour le forage. Si vous cassiez le deuxième, il serait temps pour vous de vous en aller. Alors, Rémi connaît son affaire. Bon, salut. Tâche quand même de me la ramener, la ventouse. C'est devenu un objet rare par les temps qui courent. On trouve plus beaucoup de types qui savent en fabriquer. Si ça marche comme ça devrait, tu le regretteras pas. En quittant son ami, Cilien entre dans une cabine téléphonique publique, donne un coup de fil à l'inspecteur Salignari à la PJ. Et une demi-heure plus tard, s'étant assuré que Fogel est sorti, revient chez Thérèse. Excusez-moi, Maurice est encore là ? Non, il vient de partir. Je vous dérange ? Non, au contraire. Vous voulez un whisky ? Oui, merci. Vous avez l'air d'aimer le marron, est-ce que je vois ? Oui, c'est ma couleur. Maurice aussi l'aime beaucoup, je crois. Quoi donc ? Le marron. On le comprend à cause de vos yeux. Je vous dérange pas ? Non, pas du tout. C'est dommage. Vous seriez venu 10 minutes plus tôt, vous l'auriez trouvé. On peut pas aimer une autre couleur quand on les a vus une fois. Quoi donc ? Vos yeux. Maurice a bien de la chance. De magistrales paires de gifles ont étendu Thérèse sur le tapis. Tandis qu'elle est évanouie, Cilien lui lie les mains, l'attache solidement à un radiateur, la bâillonne, distribue encore 2 ou 3 gifles solides et renverse enfin le contenu d'une bouteille de whisky sur la tête de la jeune fille, afin de lui faire reprendre connaissance. Le remède est bon. Chère madame, vous allez être bien sage et me donner l'adresse où Maurice fait son travail. Si vous êtes décidée, faites-moi signe. Maintenant, chère petite madame, soyez raisonnable et surtout, ne criez pas. Dites-moi vite où il se trouve, ce petit hôtel particulier, puisque vous y êtes allée cet après-midi. Alors ? 86 boulevard du Général Grenier à Neuilly. J'espère pour vous que vous ne m'avez pas menti. Parce qu'on est appelé à se revoir. Il fait maintenant nuit noire sur Neuilly endormi. Au 86 boulevard du Général Grenier, toutefois, on ne dort pas. Le propriétaire de ce petit hôtel particulier perdu au fond d'un parc lit paisiblement dans son salon lorsque font irruption 2 hommes masqués. Hey, pas de bêtises. Mais c'est une attaque, c'est une agression. Non, on vient organiser une surprise partie, on a des rigolos. Allez, avance. Allume. Regarde par terre. Face au mur. Et ne retourne pas. Commence bien. Direction la tirelire. Pardon. Le coffre. Vous allez perdre votre temps. Tout l'argent est à la banque. Je sais, le coffre, ça sert à ranger les jouets du gosse. Allez, coulez. Doucement. Sur le ventre. De quoi crier, hein? Je veux pas qu'on te fasse du mal. Jette un coup d'œil de temps en temps. Ok. Bande de pêche! Vous ne pourriez pas choisir un métier plus propre, non? Ici? On veut rentrer dans la police. Mais avant, on voudrait se faire un petit pécule. Et maintenant, assez parlé, vite devant le monsieur. Laisse tout, viens. Salope de Cilien. On va attraper la première à gauche, dépêchons. Donne. Quoi? Donne ce revolver, je veux pas de ça. Qu'est-ce que t'as? Sauve-toi, je suis touché. Sauve-toi. Donne-moi le revolver. Va te couvrir. Sauve-toi. N'oublie pas cette ordure. Maurice Fogel et son complice ont donc été vendus. Dans leur fuite, une fusillade éclate qui tire le premier et qui a tiré. Tout se déroule dans la confusion et l'affolement. Quoi qu'il en soit, le bilan est lourd. Du côté de la police, l'inspecteur Salignari est tué. Du côté des bandits, l'ami de Maurice est également mortellement blessé. Tandis que Maurice lui-même, atteint d'une balle dans la poitrine, s'écroule et s'évanouit. Quand il reprend connaissance, il se trouve étendu sur un lit dans l'appartement de son ami Jean, dont la femme est à son chevet. Un médecin est là aussi, qui se dispose à extraire la balle, laquelle n'a touché aucun organe vital. C'est le docteur Lequet, le médecin traitant de la bande. Oui, docteur. Bonjour, Maurice. Je suis très touché. Un petit trou au-dessus de l'aisselle. J'ai perdu connaissance pour si peu. Mon cher Maurice, la dernière fois que je t'ai vu, je t'ai dit que tes années de prison ne t'avaient pas arrangé. Que je te trouvais très affaibli. J'ai alors conseillé de prendre du fer. Tu m'as mal compris. Je voulais dire des épinards. Comment je suis arrivé ici? La très charmante, madame Jean. Je sais peut-être. Moi, je ne sais que ce que le coup de téléphone de Jean m'a appris. Et tu étais là. Il fallait venir en vitesse pour procéder à l'habituelle opération. Vous lui retirerez le goutte à goutte dans une heure. Repose-toi 24 heures sans bouger. Tu sais vous parler. Tu sais où joindre. Depuis si longtemps. Comment ne pas connaître la clinique vétérinaire? Docteur Lequet. À la prochaine. Comment ça s'est passé, Anita? Je ne sais rien, Maurice. Jean m'a téléphoné chez ma sœur et m'a dit de revenir tout de suite. Il m'a expliqué que je vous trouverai à la maison, que je devais m'occuper de vous, qu'il avait apporté de quoi vous changer. Je suis revenue tout de suite et j'ai trouvé le docteur devant la porte. Qui est-ce qui m'a ramené ici? Je ne sais pas. Thérèse et Jean? Je ne sais pas, moi. Faut que je trouve cette ordure de ces liens. Mais vous n'allez pas sortir dans cet état-là, vous. Trouvez-moi du papier. Une enveloppe. Écrire. Maurice écrit quelques mots sur la feuille de papier, dessine un plan, celui du lieu où il a caché les millions de Varnov, donne le pli à la femme de Jean en lui recommandant expressément de ne remettre ce document qu'à son mari. Pendant ce temps, Cilien est abordé dans la rue par le commissaire Klein, qui l'emmène bon gré mal gré dans son bureau du quai des Orfèvres. On a besoin d'un renseignement. Alors on a pensé... T'étais très ami avec Saline. Salignari. Salignari, oui. Vous étiez amis tous les deux. Salignari est mort. Environ une heure avant de se faire tuer, Saline a reçu un coup de téléphone. Là-dessus, il a bondi ventre à terre chez le patron pour lui demander d'être inspecteur. Le chef était dans son bureau, il avait quelqu'un, alors il n'a pas demandé d'explication. Saline est donc parti pour sauter les gars à Neuilly, sans prévenir personne. Arrivé là-bas, il a tiré sur Rémy, et il s'est fait tuer. Mais le complice de Rémy s'est sauvé. Alors si c'est toi qui as renseigné Salignari, indique-nous le centre du gars. Et on te laisse tranquille. Je n'ai rien indiqué du tout. On a trouvé Rémy avec dans la main le revolver qui a tué Sally. Seulement, son blouson était ramené sous ses aisselles, sa chemise aussi, comme si quelqu'un l'avait soutenu sous les bras, tu comprends? Un homme qu'on soutient, c'est un homme qui va tomber. Et quand un homme va tomber, c'est qu'il est en train de mourir. Alors, je le vois pas du tout en train de rendre l'âme, soutenu par un ami, et abattre du premier coup un type qui cavale à toute allure. De plus, Salignari est mort foudroyé. C'est donc forcément lui qui a tiré le premier. Par conséquent, c'est l'autre qui a descendu Sali, tout en soutenant Rémy. On soutient pas un mourant, on le laisse en tirer tout seul, on tire à sa place, ça c'est logique, pas. Et puis on lui fourre le revolver dans la main. Alors, rien que pour Salignari. Tu devrais, Cilien. Pense à lui. C'est peut-être ton ami. Je t'ai dit que je n'ai pas indiqué l'affaire. J'aime pas me répéter. Maintenant, écoutez-moi bien, vous autres, à votre tour. Salignari est mort. Et moi, je laisse tout tomber. Je vais vivre ailleurs. Je sais pas encore où. Mais s'il existe un pays sans police ni truand, ce sera celui-là. Maintenant, si entre-temps, je trouve le type qui a tué Salignari, je m'en occuperai moi-même. C'est plus sûr et ça me coûtera pas une minute de prison. Mais si moi, je le trouve pas, aucun policier au monde ne le trouvera. Comme tu voudras. Personnellement, je te comprends. Quand je pense. On a relevé le numéro de la voiture. On a cru tout d'abord qu'il s'agissait d'une voiture volée. Et puis on n'a plus rien compris du tout parce qu'on l'a retrouvé ce matin dans une carrière. Complètement écrasée, avec un corps à l'intérieur. Je sais, une femme, j'ai lu les journaux. Tu la connaissais, toi, cette Thérèse Dalmain? Je connais pas tout le monde. On a retrouvé que ses empreintes dans la voiture. C'était peut-être l'ami de Rémy, ou celle de son équipier. Et dans ce cas-là, on l'aurait supprimée pour qu'elle ne parle pas. Peut-être même qu'elle n'était pas du tout dans la voiture cette nuit à Neuilly. Il est possible que ce soit un troisième larron qui ait conduit les mains gantées. Et dans ces circonstances, il se serait fait accompagner par la fille. Ça en fait des peut-être. Mais le policier qui a poursuivi le second type, il a rien vu? Non, rien. Y a pas quelqu'un qui a aperçu quelque chose? Oh, sûr. De leur fenêtre, ils ont tous vu quelque chose. Seulement, ça nous avance à rien. Certains prétendent avoir vu un type au volant, un type tout seul. D'autres affirment qu'ils étaient deux. Personne ne nous a parlé d'une femme. Seulement, depuis que les journaux ont paru, il y en a un qui est venu le retrouver pour nous dire qu'il se souvenait avoir vu une femme au volant. Alors, on a repris sa première déclaration. Il y disait avoir vu deux hommes. Alors, on lui a dit quoi? Il s'agit d'un homme et d'une femme. Ah non, non, non, a-t-il dit. Une femme seulement. C'est ça l'ennui, tu comprends? Les témoins se laissent influencer par les journaux. Et le type qui a réussi à s'enfuir, personne ne l'a vu? Si. Tout le monde l'a vu. On nous raconte de tous les côtés qu'on voyait un homme qui s'enfuyait. Seulement les gens ont aperçu une silhouette. Impossible de la confronter avec les fiches signalétiques. On peut tout de même pas lancer des mandats d'amener contre tous les gangsters de la place. Et puis il faudrait les confronter l'un après l'autre avec les témoins, alors. Pense. Non, même si on tenait un suspect, ça ne nous servirait à rien. Alors moi, tu sais, les témoins, hein. Débrouillez-vous. Tâchez d'arrêter le type avant que je lui tombe dessus. C'est ce que je lui souhaite de mieux. On n'a plus rien à se dire, il est tard. Attends, on a autre chose à te demander. Et ça, c'est dans tes possibilités. C'est à propos d'une autre affaire qui n'a rien à voir avec celle de Neuilly. Mais on s'y intéresse aussi. Voilà. Quelques heures avant de mourir, Salignari a reçu une de ces fameuses indications mystères. On sait. On sait. Ça vient pas de toi, ça. Seulement là, tu peux pas nous laisser tomber. Parce que cette affaire-là, on est au courant. Salignari nous en a parlé. Il s'agit d'un dénommé Gilbert Varneuve. Un gars qui a été tué d'une balle de 44 chez lui. Sous le corps, on a retrouvé une bague provenant du casque de l'avenue Mozart. Tu vois ce que je veux dire? L'indicateur prétend que le tueur, c'est Maurice Fogel. Il paraît même que l'indicant en question aurait demandé à Salignari de l'attendre un peu avant d'arrêter Fogel. Et que Sally aurait accepté. Alors, ce soir, pendant qu'on te cherchait, toi, on a essayé de repérer l'autre. Seulement, on ne l'a pas trouvé. Mais il y en a certains... Tu qui... permets? J'ai l'impression qu'il ne s'agit plus de la mémoire de Salignari à présent. Si je comprends bien, vous voulez que je coopère. Inutile d'insister. Minute, Célien. Tu t'es fait construire une très jolie maison, tu connais de Pontieri. D'où vient l'argent? Vous me prenez pour un gamin? Si vous voulez des explications, venez avec un mandat d'arrêt. On va te l'envoyer un sérieux, et pas plus tard que demain. Tiens. On a vu l'inspecteur de la Mondaine tout à l'heure. Il vient d'arrêter une équipe qui trafiquait dans la drogue. Au fait, Célien, c'est un peu ton truc, ça, non? L'héroïne, la coco. Très dommage que tu sois impliqué dans l'affaire, surtout que tu n'y es pour rien. Et t'as même plus à l'ignorer pour te couvrir. Ne vous fatiguez pas. Je ne comprends pas quand on me parle trop vite. Nous avons dit à l'inspecteur de la Mondaine que tu étais sûrement dans le coup. Alors demain, il va demander à manger perquisition. Mais en attendant, tu rentres au frais. Quant à ta belle maison, on va la passer au peigne fin. C'est dommage, Sylvain. Il n'y a rien dans ma maison. Ça me fait plutôt rire. Surtout que je ne touche pas à la drogue, ni de près, ni de loin. Je suis un pauvre type, moi. Tu parles. C'est en vendant des journaux que tu peux t'habiller comme ça. On va faire croire ça au juge d'instruction. Je fais les poubelles le matin. Ça suffit, Sylvain. Je suis sûr qu'on peut trouver quelque chose chez toi. Moi, je suis sûr que non. Bien sûr. Nous savons tout ce qui est rien. Et en cherchant bien, on peut trouver quand même. Prévenez-moi, on partagera. En forçant les choses. Qu'est-ce que t'en penses, Sylvain? Je pense que vous êtes de bonnes ordures. Ça, c'est pas gentil. Alors, ça t'intéresse pas quand téléphone à la mondaine pour qu'il laisse tomber la perquisition? Qu'est-ce que vous voulez, au juste? Eh ben, t'es connu un peu partout. Alors on voudrait que tu téléphones dans plusieurs endroits pour demander ton ami Fogel. Fogel n'est pas mon ami. Alors, raison de plus. Pourquoi vous faites pas une descente? Ça, on y a pensé. Seulement les coups de fusil en l'air, ça fait partir le gibier. Si on rate dans 3 ou 4 boîtes sans trouver tout de suite Fogel, ou il nous verra ou on le préviendra. En somme, quand on ne vous aide pas, vous êtes perdu. T'es d'accord? 7h15. C'est la bonne heure, ça, l'apéritif. Allons-y. Sous la menace à peine voilée des policiers, Sylvain doit s'exécuter. Il livre Maurice Fogel que le commissaire Klein arrête bientôt dans un bar. Cependant, Sylvain, qui est entré en possession du plan, va déterrer le magot enfoui dans le terrain vague par Maurice et, ayant encore quelques mystérieuses affaires à régler avec un certain Utecio, tenancier d'une boîte de Montmartre, il se rend dans son cabaret et va s'asseoir à la table de Fabienne, l'amie actuelle de Utecio. Fabienne et Sylvain connurent ensemble naguère une aventure fugitive. Pourtant, aucun d'eux n'oublia l'autre. J'ai quelques renseignements à vous demander. Pas grand-chose. À quel sujet? Au sujet de Utecio. C'était donc ça. Que voulez-vous savoir? Pas ici. Où? Chez vous. Pourriez pouvoir disposer de moi comme avant? Ne me dites pas que vous l'aimez. Votre assurance a quelque chose de vexant. Je sais qu'il vous dégoûte. Alors si vous voulez le laisser tomber, je vais vous donner une chance. Merci, vous êtes trop bon. Vous rêvez tous les jours de vous évader de ça. Avouez. Vous n'êtes pas faite pour vivre avec nous, Utecio. Moi aussi, ça me vexe. Pourrais-je vous voir tout à l'heure? Je ne veux pas vous voir, et encore moins vous donner de renseignements. Vous ne me croyez pas quand je vous dis de vous offrir une possibilité de le laisser tomber? Je suis très bien comme je suis. Dommage. Vous partez? Évidemment. À l'instant, j'ai presque cru que c'était pour moi que vous étiez venu. Vous avez exigé que je sois franc. Je l'ai été. Je sais que j'ai gâché beaucoup de choses. Et je sais aussi que vous n'êtes pas heureuse. Vous avez peur de vous confier à moi une fois de plus. Un cercle vicieux. Donnez-moi une idée de ce que vous voulez comme renseignement. Je verrai ce que je peux faire. Non. Pourquoi? Parce que c'était quand même la vérité quand je vous ai dit tout à l'heure que je voulais vous voir, vous. J'aurais aimé passer quelques moments tête à tête, sans témoin. J'avais envie de coucher avec vous. Sylvain. Oui. 11 rue de Franqueville. Mais laissez-moi une heure pour que ça ait l'air moins suspect. J'y serai. Sylvain est sincère pour une fois. Il reprend Fabienne, va passer la nuit chez elle et lui promet de la débarrasser de Utecio qu'elle n'aime pas. Il tiendra parole. Au cours d'une visite à l'Italien, il le tue et maquille ce crime en règlement de compte crapuleux. Quelqu'un qui voudrait bien aussi régler ses comptes avec Sylvain, c'est Maurice Fogel, qui a été relâché pour servir de lièvre sans doute à la police. Or, Sylvain, comme s'il voulait se mettre lui-même dans la gueule du loup, donne rendez-vous à Maurice dans un petit bar discret. Mais il va retourner la situation en racontant à Maurice par le détail comment toutes ces choses se sont réellement passées. Salignari était mon ami. Il y a quelques mois, je le rencontre avec une fille, semblait très amoureuse de lui. Il me dit que c'est une excellente indicatrice. À l'époque, je n'avais pas attaché beaucoup d'importance. Une minute après, j'y pensais plus. Jusqu'au jour où je la rencontre chez toi, le soir où je t'ai amené la ventouse. Je pense que c'est elle que j'ai envoyée pour repérer l'hôtel particulier de nuit. Je me suis dit qu'il était temps de te sortir de ce mauvais pas. Seulement, je ne pouvais pas te le dire à toi, tu m'aurais pris pour un fou. Je te laisse donc partir avec Rémi et je vais téléphoner à Sally pour l'inviter à dîner le soir même. Sally me répond que c'est pas possible. J'insiste. Il finit par m'avouer qu'il a deux types à sauter sur un casse à Neuilly. J'ai pas besoin de dessin, je raccroche et je file chez Thérèse. N'y vais pas par quatre chemins. Elle finit par me donner l'adresse de Neuilly, je la ligote et je vais emprunter sa Florine. Je fonce à Neuilly pour t'arracher avec Rémi avant la catastrophe. De peau. Oui. Car quand j'arrive, c'est pour devoir courir blessé, puis t'évanouir. Par miracle, j'arrive à te ramener chez Jean. J'essaie de joindre Sally par téléphone pour lui demander s'il n'y aurait pas moyen d'aplanir le coup. Mais on m'apprend qu'il est mort depuis 10 minutes. Malgré mes sentiments pour Sally, je te laisse pas tomber. Or, Sally faisait cavalier seul. Lui seul connaissait le nom des gars qu'il allait arrêter à Neuilly. Aucun autre policier n'était au courant. C'est pour ça qu'ils sont restés en panne sur l'affaire. Puis pour ma propre sécurité, je décide de me débarrasser de Thérèse. On peut en effet m'accuser d'être le complice à la voiture, qu'on ne manquera pas de chercher. Jean téléphone à Anita de venir s'occuper de toi qui n'a toujours pas pris connaissance. Et nous fonçons chez Thérèse. Nous arrivons au moment où elle était presque parvenue à se libérer de Zélien. J'espère que tu ne m'en voudras pas si je te dis que c'est moi qui lui ai filé un coup sur le crâne. Non. Et la suite m'a coûté un imperméable. Presque neuf. En train de s'occuper de Thérèse. Pendant ce temps, je vais à une adresse qu'on m'avait indiquée pour te faire établir un passeport, un faux nom, afin que tu puisses t'enfuir. Je ne trouve rien à l'adresse indiquée. Je cherche toute la journée. Jean vers 7h et on téléphone pour savoir comment tu vas. Anita nous répond que le quai va s'occuper de toi. Tranquillisé sur ce point, je repars à la chasse au passeport. Je comprends pas comment je me suis fait arrêter au bar d'en face. Personne savait où j'étais. Et tout à coup, je me fais accrocher par Klein et deux gars de la criminelle. Je me rends compte que personne ne connaît le deuxième homme de Neuilly. Mais ils m'apprennent que Salignari était sur un autre coup. Le meurtre de Gilbert. On te soupçonne, car Sally en a parlé. C'est sûrement Thérèse qui l'a renseigné, bien avant que ça se fasse. Peut-être le soir où on t'a ramené sous chez elle. Dans la nuit, j'ai sûrement dû lui dire que j'avais tué Gilbert. Klein et les deux inspecteurs me demandent où tu es planqué. On met tellement d'ennui que je décide de marquer le coup, pour ne plus les avoir sur le dos. J'accepte de téléphoner dans les bars que tu fréquentes habituellement, pour essayer de te trouver, puisque je sais que tu es bien à l'abri chez Jean. Pour la frime, je décroche le téléphone, j'appelle ici. Le barman, qui n'a aucune raison de se méfier, me répond que tu es au bar en face. Je venais juste de partir de chez Jean. Jean m'ayant remis le plan, je vais déterrer les bijoux et le revolver, malgré ton conseil. Maintenant, tu sais l'usage que j'en ai fait. À propos, Merci. Et puis j'arrache le témoignage de Fabienne. Fabienne. Une ancienne amie à moi est devenue la femme de Nutecho. Je m'arrange pour qu'il y ait des empreintes sur le Colt. Les deux gars s'entretuent au Cotton Club. Comme par miracle, avec les bijoux dans le coffre ouvert. Voilà. Maintenant, je crois que tu sais tout. Je reviens ce soir te chercher pour dîner ici, avec Fabienne. Oui. J'ai l'intention de me retirer avec elle. Je me suis fait installer à Pontieri une belle maison isolée sur la colline. Je crois que je vais arrêter. Dans ce métier, on finit toujours clochard ou avec quelques bols dans la peau. Je fais l'aller-retour à Pontieri. Je vais voir un type qui me demande de le cacher pour quelque temps. Je le connais même pas. Ça sera ma dernière bonne action. À tout de suite. Bon, ben, je suis le dernier des salauds, quoi. Pourquoi ? J'ai pris Sylvien pour un donneur. Et aïe, j'ai souhaité sa mort. Si j'étais tombé sur lui avant d'être arrêté, je l'aurais massacré. Alors que lui... Oui, on s'en doute pas comme ça. Sylvien est un gars qui ne s'extériorise pas. Mais s'il a un ami, il fera n'importe quoi pour lui. Que ce soit un truand ou un flic. Je peux même te dire sans me tromper que Salignari et toi, vous étiez ses deux seuls amis. Sylvien dit-il la vérité ? Ment-il pour se justifier ? Quoi qu'il en soit, Maurice est convaincu. L'amitié de Sylvien reste pour lui une chose sacrée. Et il est vrai que ces deux hommes, entre qui s'installe le dévouement total et la délation, le meilleur et le pire, restent indéfectiblement attachés l'un à l'autre. Ils y resteront jusqu'à mourir l'un pour l'autre, chacun voulant sauver son ami. Près du cadavre de Maurice, Sylvien, qui est lui aussi mortellement blessé, aura la force de saisir le téléphone, d'appeler celle qu'il devait retrouver ce soir et à qui va sa dernière pensée. Fabienne, je n'aimerais pas ça. Roger Régent et Jacqueline Adler viennent de vous présenter Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, Le Doulos, film de Jean-Pierre Melville, avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle de Sylvien, Serge Reggiani, Maurice Faugel, Jean de Sailly, le commissaire Klein, René Lefebvre, Gilbert Varnov, Fabienne Daly, Fabienne, Monique Hennessy, Thérèse, Michel Piccoli, Nutecho. Musique de Paul Misraki, dialogue de Jean-Pierre Melville. Commentaire radiophonique dit par Claude Herval. Collaboration technique René Relot.